Naza, c'est comment? Ça va? Ça tu vas va, bien? Carré, carré, on est là. Bienvenue chez nous. Propre. Super. Tu te sens bien? Fantastique. Ok, chaud. Après ton projet incroyable, et c'est la loi, tu nous sors un nouveau projet là prochainement. J'aimerais que tu m'expliques le concept. Naza, tu me connais. J'ai besoin de me présenter. C'est pour le bon gratuit et il va s'appeler Pénèbre. Tu sors rien de ta poche, juste écouter tes contents. Partage-le à tes potos, que je sois plus sur le côté. Tu quittes les bails et lèves les mains, c'est Dieu qui donne en faisant le bien. Moi ce que j'ai mérité, faut pas rager, on connaît l'humain. T'es caché dans la zone, t'as craché dans la soupe. Tu fais des choupa choups et tu trouves pas ça chiant. Bref, la mélo elle est bonne, donc je vais la maintenir. Oui, la buvette elle est bonne, y'a que ça qui m'a tenu. Zénith le 30 octobre. Projet dans l'année, Naza remet la bombe. Oui, je sais que t'aimes bien. J'ai trop d'inspiration. Oh, oh. Maman est fière de ma mission. Oh, oh. Papa est fier de ma mission. Oh, oh. Donc je dois pas les décevoir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si un jour moi je m'isole, je ne vais pas oublier. J'ai mis à l'abri ma zombie crève le compte. Si un jour je m'isole, je ne vais pas oublier. Merci pour la force. C'est vous qui m'avez donné. Si j'ai qu'un fait, je suis désolé. Sans merde, je suis désolé. Carlos, je suis désolé. Faut top, je vais m'isoler. Si j'ai qu'un fait, je suis désolé. Sans merde, je suis désolé. Carlos, je suis désolé. Faut top, je vais m'isoler. Sur mes sons, bouger les reins. La rumba accélérée. Je remercie la débauche. J'ai vu beaucoup m'imiter. Limiter, ils sont béton. Moi j'avance crescendo. Toi tu craches dans mon dos. Et sur mon dos, j'ai pris des coups. Mais je suis resté debout. Merde, y a plus de rhum. Quand je vais boire du ruinard, ça plaît pas à madame, donc je me barre à Meudard. Merde, y a plus de rhum. Je crois que je vais boire du ruinard, ça plaît pas à madame. J'ai trop d'inspiration. Oh, oh. Maman est fière de ma mission. Oh, oh. Papa est fier de ma mission. Oh, oh. Donc je dois pas les décevoir. Oh, oh. Partout sur WhatsApp, sur 33G, ce que tu veux, c'est gratuit, c'est bénéfique. Malorolia, je vais manger tout. Je vais tout manger. C'est pas maintenant. Comment ça se passe? Moi, je mange. Je suis dans l'Audi Q5, j'avale la Jack Q-Sec. Le joint ne fait pas tousser, donc je me lentille tout seul. J'ai percé, ouais c'est bon, Naza prend même plus le quart. Que de l'eau dans mon flash, c'est la seule chose qui m'écarte. Mérité, c'est nickel, cet été, c'est gâté.